Chapitre 12e. Ô Toulouse! Nous sommes partis un peu de bonne heure. Il n'y a guère que Lisa qui soit habituée à se lever tôt. Ces pauvres lycéens font quelquefois deux fois plus d'heures de boulot que leurs parents. Les quatre adultes ne parlent guère, et il faut attendre d'arriver à Narbonne pour qu'une conversation démarre, à voix basse, car cette fois, Lisa s'est endormie. Vous vous rendez compte tout de même, ce pauvre Fred, se lamente Gilda. Le pauvre Fred, marmonne Paula. D'abord, il n'était pas pauvre, et ensuite, qui sait s'il n'a pas mérité son châtiment. Je n'ai jamais considéré la mort comme la meilleure façon de punir quelqu'un, s'offusque Gilda. Tiens, me dis-je, comme elle a bien changé, mon épouse. Elle a oublié qu'au début de notre histoire, elle avait suriné un gars qui voulait la racketter dans son bar à carreaux, après avoir tenté de la violer. Et je nous avais débarrassé du cadavre de ce malfaisant en le faisant cramer dans sa voiture, faisant croire ainsi à un accident de la route. Pas de peine de mort pour Gilda, non, sauf si c'est elle qui l'applique. Vous allez prétendre que c'est de la légitime défense. Mais Paula, sa mère, a une aussi bonne mémoire que moi. Oh, des fois, c'est la seule façon de se débarrasser d'un nuisible pour la société, murmure-t-elle à l'oreille de Gilda, qui ne pipe pas. Louis, toujours près du règlement, nous met tous d'accord. Ne vous fatiguez pas. Le Parlement a tranché depuis longtemps là-dessus. Barthes avait peut-être quelque chose à se reprocher, mais le coupable n'est pas prêt d'être arrêté, je vous le dis, parole de gendarme. Tant qu'on ne trouve pas de mobile. Vers midi, nous nous arrêtons à Carcassonne pour faire visiter la cité à la petite. Malgré le froid et un zeste de tramontane, la température est tout de même supportable. Nous errons, au hasard des rues, le nez en l'air, en nous montrant mutuellement nos découvertes. Nous posons les uns les autres des questions, auxquelles seul Louis a des réponses intéressantes. Il a en effet été en poste à Bagnuls et Carcassonne était son lieu de prédilection. Nous admirons l'architectonie de l'ensemble tout en géniales proportions qui donne une impression de simplicité et de force à la construction. Et pourtant, comme j'ai plaisir à le dire, cette impression de simplicité ne s'acquiert qu'au prix d'une complexité savamment pensée. Les hommes qui bâtissaient ces forteresses maîtrisaient parfaitement la matière et la subtilité des assemblages. Certes, l'ensemble a été habilement restauré, mais la structure originelle est toujours là. Simplicité et complexité ne sont pas des termes antinomiques. Combien de fois en avons-nous discuté avec Louis, mais complémentaires. La vraie simplicité est le résultat d'une complexité préparatoire et, à contrario, toute complexité est formée d'éléments simples. Dans une enquête, il en va de même. Ce qui semblait complexe apparaît soudain d'une simplicité lumineuse, comme la vérité sortant du puits. Mais combien d'heures de cogitation, de recoupement, d'investigation faut-il pour en arriver là? Comme souvent lorsque je cherche, j'ai l'intuition, au milieu de ces pierres lumineuses, que la solution du mystère Barthes est à portée de main. Il n'y manque quelques petits détails pour que l'édifice soit d'aplomb, mais lesquels? Au détour d'une venelle, Louis et moi sommes seuls. Et avec les Serbes, où ça en est? Je m'attendais à ce qu'il me pose tôt ou tard cette question. Ça en est du côté de Fosse, je lui réponds en souriant. Ils n'ont toujours pas de piste. Ben, ils en sont restés aux déclarations du motard qui a tué le Roumain. Tu te souviens? Il affirme que c'est un règlement de compte d'une bande d'Algériens qui veulent contrôler le trafic de la pièce d'occasion. D'après lui, le motard qui était retrouvé mort avait un contrat pour le meurtre des deux Serbes. La présence du motard au moment du règlement de compte est attestée par plusieurs témoins, dont le cheikh Yassine. Seulement, une fois son job terminé, les autres ont dû le liquider avant qu'il ne vienne toucher sa paye. Ouais, peut-être, maugré Louis. Il n'est pas convaincu. Je ne peux tout de même pas lui avouer que le pauvre motard n'a dû rien y comprendre. Le boulot était déjà fait pour les deux premiers. Il ne s'attendait pas à être descendu par celui qu'il a pris pour la lescou. Nous retrouvons les femmes près de la porte principale. « Regarde, » me fait Gilda, très fière, en me montrant une nouvelle babiole. « Allez, il a encore fallu que tu achètes une cagade. »« Oh, ça va, hein? Qu'est-ce que tu deviens, raspi, avec l'âge ?» rétorque Paula. « Bon, les enfants, il ne faut pas trop tarder si on veut être vers 3 heures à Saint-Gaudens. » En passant à Toulouse, malgré un brouillard habituel en cette saison, les séquelles du drame d'AZF sont tout de même visibles, jusque sur les bords de l'autoroute, jonchés de débris divers. « Mon Dieu, vous vous rendez compte ?» s'exclame Paula. « On dirait l'apocalypse. »« On n'a pas fini d'en parler de cette affaire. Avant qu'on arrive à déterminer les causes, les responsabilités, chiffrer les dégâts, il en passera de l'eau dans la Garonne, je vous le dis. »« T'as raison, Louis. L'ardoise est tellement salée qu'il m'en faire traîner un maximum avant de débourser un centime. Eh bien, ma fille, dit Gilda, tu n'auras pas vu la ville rose. Ouah, fait Lisa, c'est glauque. Louis me demande de capter radiotrafic, afin de savoir si nous n'allons pas rencontrer la neige en nous approchant des Pyrénées. Apparemment, aucune information n'étant donnée à ce sujet, la route devrait être dégagée.